Nous avons vu que devoir se disait müssen en allemand. Mais il existe un autre verbe devoir en allemand qui est aussi un verbe porte-manteau. C'est sollen. Sollen qui a le sens de devoir, mais d'un devoir qui n'est pas absolu, qu'il est possible d'ignorer. Par exemple, s'il s'agit d'un conseil, d'une invitation. Sollen s'écrit S-O-2-L-E-N. Sollen. Par exemple, comment dit-on vous devez manger? Dans le sens de je vous conseille de manger. Vous devez manger? Sie sollen essen. Sie sollen essen. Oui. Et vous devez vous dépêcher. Sie sollen sich beeilen. C'est ça. Sie sollen sich beeilen. Sie sollen sich beeilen. Donc, sollen, devoir. Sie sollen, vous devez, le vous de politesse. Wir sollen, nous devons. Avec ich, je dois se dit ich soll. Ich soll. À vous, je dois, à partir du verbe sollen, se dit ich soll. Ich soll. Et donc, je dois me dépêcher. Ich soll mich beeilen. Ich soll. Ich soll mich beeilen. Et maintenant, pourquoi ne vous dépêchez-vous pas? Warum Sie beeilen sich nicht? Warum beeilen Sie sich nicht? Bien. Il faut en effet inverser beeilen et Sie quand on pose une question. Et sich vient après. Redites-le plus lentement. Warum? Warum? Warum beeilen Sie sich nicht? Bien. Warum beeilen Sie sich nicht? Warum beeilen Sie sich nicht? Et comment diriez-vous dépêchez-vous? Beeilen Sie sich. Beeilen Sie sich. Beeilen Sie sich, ça veut dire dépêchez-vous. Beeilen Sie sich. Et se dépêcher, c'est sich beeilen. Certains verbes français ont été germanisés en ajoutant la terminaison ihren. Ihren. Prenons par exemple le verbe intéresser. Comment diriez-vous intéresser en allemand? Interessieren? En fait, c'est interessieren. Intéresser, interessieren. Mais si vous dites interessieren, il y a de fortes chances que votre interlocuteur vous comprenne et vous reprenne. Ah! Interessieren! Non seulement on vous aura compris, mais vous aurez en plus l'occasion d'entendre le mot correct. Or, c'est comme ça qu'on apprend. Donc, intéresser, interessieren. Toutes les lettres se prononcent en allemand, donc on doit bien entendre in au début pour in, interessieren. De nombreux mots français ont ainsi donné des verbes allemands en ihren. Autre exemple, organiser se dira organisieren. Tout à fait. Organisieren. Organiser, de la même manière que reparieren correspond à réparer. Et par exemple, à partir du verbe interessieren, intéresser, on obtient intéressé, comme dans je suis intéressé. Il suffit pour cela de remplacer ihren par iet, donc interessiert. Alors, comment direz-vous je suis intéressé? Ich bin. Ich bin interessiert. Ich bin interessiert. Et comment direz-vous cela m'intéresse? Es. Es interessiert mich. Es interessiert. L'infinitif est interessieren. Et on remplace simplement en par t. Es interessiert mich. Bien. Es interessiert mich. Et si vous trouvez cela intéressant, intéressant se dit interessant. Alors, c'est intéressant, ça donne? Es ist interessant. Bien, es ist interessant. En allemand, pour dire cela m'intéresse, on dit souvent je m'intéresse. Je m'intéresse à ceci ou cela. Je m'intéresse et... Ich interesse... Vous en avez oublié une partie. Le verbe c'est interessieren, pas interessen. Interessieren. Ich interessiere. C'est ça. Vous voyez, vous n'avez rien à inventer. Il faut partir de interessieren. Supprimez le N à la fin et vous obtenez interessiere. Interessiere. Donc, je m'intéresse se dit... Ich interessiere mich. Bien. Ich interessiere mich. Ich interessiere mich sehr. Je m'intéresse beaucoup. Sehr est souvent traduit en français par très. Mais il signifie aussi beaucoup, comme dans Danke sehr. Merci beaucoup. Et il s'intéresse. Comment diriez-vous il s'intéresse? Er interessiert sich. Oui, er interessiert. On a bien le T à la fin de interessiert. Il s'intéresse. Er interessiert sich. Mais vous pouvez aussi dire ça m'intéresse beaucoup. Commençons par ça m'intéresse. Es interessiert mich sehr. Es interessiert mich sehr. Es interessiert mich, ça m'intéresse. Es interessiert mich sehr, ça m'intéresse beaucoup.